147. Nous ne nous contentons pas de la vie que nous avons en nous et en notre propre être. Nous voulons vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire, et nous nous efforçons pour cela de paraître. Nous travaillons incessamment à embellir et conserver notre être imaginaire et négligeons le véritable. 148. Nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre, et même des gens qui viendront, quand nous ne serons plus. Et nous sommes si vains que l'estime de 5 ou 6 personnes qui nous environnent nous amuse et nous contente. 150. La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, un goujat, un cuisinier, un crocheteur se vante et peut avoir ses admirateurs. Et les philosophes même en veulent. Et ceux qui écrivent contre veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit, et ceux qui le lisent veulent avoir la gloire de l'avoir lu. Et moi, qui écris ceci, et peut-être cette envie, et peut-être que ceux qui le liront... 151. La gloire. L'admiration gâte tout dès l'enfance. Oh, que cela est bien dit! Oh, qu'il a bien fait, qu'il est sage, etc. 162. Qui voudra connaître à plein la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. La cause année, un je ne sais quoi, comme dit Corneille, et les effets en sont effroyables. Ce je ne sais quoi, si peu de choses qu'on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les armées, le monde entier. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. 171. Misère. La seule chose donc qui nous console de nos misères est le divertissement. Et cependant, c'est la plus grande de nos misères, car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort.